lorsque le soleil se lève dans les bois de Ploegsteert, tout à l'ouest de la Belgique. Pendant quelques secondes, le ciel n'est plus noir et pas encore tout à fait bleu, mais rose. Enfin, c'est ce qu'on croit deviner sous la brume et les gros paquets de neige qui, très tôt, commencent à tomber. Ici, les petits matins sont frais. Frais et tristes à en pleurer. Nous sommes en 1916. Voici 2 ans que l'Europe, devenue folle, a ouvert la grande gueule de la guerre. Et elle est sacrément vorace, cette gueule. Elle a faim, elle crie, elle hurle, elle a un énorme estomac. Sur le front ouest, les troupes anglaises et françaises affrontent les soldats allemands. Percy Fawcett s'est porté volontaire dès le début de la guerre. Lieutenant-colonel de l'armée anglaise, il dirige environ 700 hommes. Le bonhomme a l'habitude de survivre dans des conditions extrêmes, il tient bon et serre les dents. A-t-il peur ? Oh, sans nul doute, mais il est surtout très inquiet. Pourquoi ? Mais pour sa cité perdue, pardi ! Même au fond des tranchées, dans la boue, les ordures, entouré de rats, cerné de tous côtés par la mort, Z continue de l'obséder. Percy tremble. Et si quelqu'un l'a trouvé avant lui, sa cité ? Mais j'en serais malade ! Laure, tu m'entends ? Tu m'écoutes, là, hein ? Malade ! Ah oui, bon, ça va, hein ? Oh, pas la peine de crier comme un putois ! Et puis, tu n'aurais pas d'autre chat à fouetter ? Entre nous, Percy a raison de s'inquiéter. La compétition entre explorateurs est rude. Notre homme a beau être excellent, il n'est pas le seul capable de s'aventurer sur des terres inconnues, le cœur plein de fougue, la boussole à la main. Tous ont l'amour du risque et ne rêvent que d'une chose, être le premier. Alors Percy enquête. Entre 2 combats sanglants, il envoie des lettres à la Société Royale de Géographie, il se renseigne. Qui fait quoi ? Qui se rend où ? Et pourquoi ? Il se méfie de tout et de tout le monde. Pour quelle raison Alexander Rai se rend-il au Brésil ? Et pourquoi si longtemps ? Remarque. Au moins, ça l'occupe, hein. Au début du mois de juillet 1916, Percy et ses hommes sont envoyés dans le nord de la France, dans la région de la Somme. Là-bas, un grand combat se prépare. Ça y est, les Anglais lancent l'assaut. Les soldats avancent, en rang d'oignon. Sapristi, mais où sont passés les Allemands ? Ils sont cachés, là, dans de gros trous. Soudain, ils ouvrent le feu. Les balles, les obus, ça part dans tous les sens. Ça tonne, ça vrombit, ça explose, partout, en une grande fureur assassine. Les hommes tombent comme des mouches. La terre est trempée de sang. Les semaines, les mois passent, les combats continuent. Régulièrement, un gong se fait entendre. C'est le signal des gaz qui arrivent. Fosgel, Bertholdt, gaz moutarde, ils font des ravages. Les soldats sont brûlés et couverts de grosses cloques. La bataille de la Somme est une boucherie sans nom. Percy l'Invincible est blessé. Les gaz ont abîmé ses poumons. Il rentre en Angleterre, chez lui, blafard, amer et désespéré. Il retrouve sa femme et ses 3 enfants. Entre ses explorations dans la jungle et la guerre, cela fait belle lurette qu'il ne les a pas vus. Son fils aîné, Jack, muscle son corps. Il s'entraîne. Comme son père, un jour, il partira dans la jungle. Peu à peu, Percy reprend des forces. Il remue ses terres pour mettre sur pied une nouvelle expédition, celle qui, enfin, le conduira jusqu'à D. Non. S ? Non. Z. Les expéditions coûtent cher. Percy a besoin d'argent. Mais purée ! La Société Royale de Géographie repousse toutes ses demandes. Les grands spécialistes de l'Amazonie ne croient pas en l'existence de sa mystérieuse cité perdue. Les Indiens sont incapables de donner naissance à une civilisation développée. Et puis la jungle est bien trop hostile, vous le savez bien. Ces hommes ne savent pas le quart de ce que Percy a découvert. Alors l'explorateur explique encore et encore. Ses rencontres avec les peuples de l'Amazonie, les dessins, les poteries, les routes, et surtout, le fameux manuscrito 512. Personne ne le croit. Percy en rage ! Alors comme ça, ces grands savants en nœuds papillons refusent de financer l'exploration qui permettra de découvrir la première civilisation de notre histoire ! Qu'à cela ne tienne, ils s'en mordront les doigts. Zed existe, il le sait, elle est là quelque part. À lui de la trouver. Percy repart en Amérique du Sud. Nous sommes en février 1920, 6 ans après l'avoir quitté, l'explorateur est de retour dans la jungle, au Brésil. Bon sang, ça lui avait manqué. Percy est prêt à en découdre. Sa nouvelle expédition, qui réunit une poignée d'hommes et quelques bœufs, est financée par le gouvernement brésilien. Le groupe part de Cuiabá, la capitale du Mato Grosso. D'après les informations récoltées dans le manifesto, c'est dans cette région, située dans le centre-ouest du Brésil, que Zed devrait se trouver. Très vite, hélas, l'aventure tourne au fiasco. La saison des pluies arrive. Empêtré dans la boue, plus possible d'avancer. La terre grouille de verre. Au bout d'un mois, déjà, les hommes et les bêtes craquent. Pour la première fois de son existence, Percy doit abandonner sa mission. Il rentre bredouille, brisé, abattu, humilié. Zed, ma chère Zed, où es-tu ? L'explorateur a 53 ans et il n'est plus aussi vaillant qu'auparavant. Pourtant, il décide de repartir. Cette fois, seul. Seul ? Oh ! Mais c'est complètement dingue ! Je sais qu'en prenant cette décision, écrit-il à sa femme, je diminue de beaucoup mes chances de revenir. Ah ben, au moins, il est au courant, hein ! Percy décide de traverser le Mato Grosso d'est en ouest. Il avance, lentement, péniblement. Chaque seconde qui passe est un combat acharné contre la nature. Un matin, il aperçoit une grosse masse de pierres dans le lointain. Serait-ce des ruines ? Oh oui, on dirait bien ! Percy réunit ses dernières forces. Il marche des heures sans s'arrêter. Puis, il s'effondre en pleurant. Ma cité, pourquoi ? Ce qu'il a pris pour sa cité n'est en fait qu'une grosse falaise. Il n'a plus d'eau, plus de nourriture. Rien. Percy doit rebrousser chemin. Encore. Au sein de la Société Royale de Géographie, ça commence à jaser. Je crains que le pauvre Percy Fawcett n'ait perdu son talent. C'est la deuxième fois qu'il abandonne une mission. Et tout ça pourquoi ? Une cité perdue qui n'existe même pas. Percy rentre en Angleterre, ruiné. Les scientifiques anglais lui tournent le dos, mais il ne renonce pas. Rien ni personne ne me fera douter. Jamais. C'est ce qu'on appelle de l'obstination. Ou un petit grain de folie, peut-être. Hé, hey, j'ai entendu, Laure. Ah oui, bon, allez, on continue. En 1924, catastrophe. Percy apprend que le fameux Alexander Rice, l'un de ses plus grands concurrents, s'apprête à repartir dans la jungle brésilienne, cette fois avec des moyens extraordinaires. Je dispose d'outils ultra perfectionnés, et puis un groupe d'experts m'accompagne. Grâce à mon expédition, l'Amazonie n'aura bientôt plus de secrets. Annonce-t-il à la presse. Percy est terrorisé. Rice va trouver Zed, c'est sûr. Mais bon, que faire ? À qui s'adresser ? Percy croise alors la route d'un certain George Lynch. George est journaliste. Il a du flair et surtout, il croit en l'existence de Zed. Moyennant une petite participation financière, il accepte d'aider notre explorateur. Oubliez la vieille Angleterre, mon vieux. Tournez vos yeux vers le futur, vers les États-Unis. A-t-il raison ? Il semblerait que oui. Grâce à ses relations, Lynch arrive à lever des fonds aux États-Unis. Et même plus, il se met la presse dans la poche. Percy Fawcett, le légendaire explorateur, fascine le public américain. Le 3 décembre 1924, il y a foule sur le port de New York. Tous sont venus assister au départ de Percy. Accompagné par son fils Jack et l'un de ses amis, il retourne enfin au Brésil, dans la région du Mato Grosso. À bord du SS Vauban, l'explorateur a les yeux qui brillent. Son cœur bat la chamade, il est excité comme une puce. Cette expédition ne ressemble à aucune autre, il le sait. La lumière peut être au bout du tunnel. Percy arrivera-t-il enfin à mettre la main sur la cité de Z? Existe-t-elle vraiment? Le bonhomme, en tout cas, n'a jamais été aussi sûr de lui. Alors que le bateau largue les amarres, il crie aux journalistes « Nous reviendrons! Et avec ce que nous sommes partis chercher !» Quelques heures plus tard, le paquebot disparaît derrière la ligne d'horizon. Le 20 avril 1925, après des mois de voyage, en bateau, en train, en pirogue, les trois hommes s'enfoncent dans la jungle, accompagnés de quelques guides. Ils prennent la route du nord. La chaleur est suffocante. Nos aventuriers sont dévorés par les moustiques et les tiques. Ils avancent, vaille que vaille. Percy guette le moindre indice. Impatient, il marche devant. Il fait accélérer la cadence, plus personne ne peut l'arrêter. Voici maintenant 6 mois que l'expédition est partie. Régulièrement, Percy envoie des messages qui sont publiés dans la presse. Lorsque les guides rechignent à s'enfoncer plus loin dans la jungle, l'explorateur les renvoie. Il poursuit sa route, accompagné de son fils et de son ami qui refusent de l'abandonner. Le 29 mai 1925, Percy envoie ce message. Nous sommes en ce moment au camp du Cheval Mort par 11 43 de latitude sud et 54 35 de latitude ouest. Vous n'avez à craindre aucun échec. C'est le dernier. Après ça, l'explorateur disparaît. Au début, personne ne s'inquiète. Oh, ça arrive souvent après tout. Des explorateurs qui se volatilisent dans la jungle avant de réapparaître en beau jour, la peau sur les os, le regard hagard, certes, mais bien vivant. Une année passe. Puis deux. Enfin, le monde commence à se faire du mou. Le plus grand aventurier du XXe siècle aurait-il disparu pour de bon? Plusieurs explorateurs partent à sa recherche. Certains en reviennent, d'autres disparaissent à leur tour. Personne n'a jamais réussi à retrouver la trace de Percy Fawcett. Est-il mort? A-t-il découvert sa mystérieuse cité de Z? Existe-t-elle vraiment? Comment savoir? Il y a quelques années, des scientifiques ont découvert au Brésil, dans la fameuse région du Mato Grosso, d'étranges formes dessinées sur le sol. Ces géoglyphes témoignent de la présence de villages très anciens, construits probablement il y a 3000 ans. Percy, les avait-il lui aussi trouvés? Peut-être. Sans doute. Là encore, le mystère reste entier. Derrière cet épisode, il y a Anne-Sophie Ladonne, Fanny Leroy, Basile Bocquer et moi, Laure, Grand Besançon. Avec le temps, Percy Fawcett est devenu une véritable légende, une sorte de modèle d'explorateur obstiné, courageux. Il a inspiré de nombreux personnages, parmi lesquels le professeur Ridgewell dans L'Oreille Cassée, le 6e album des Aventures de Tintin. Percy Fawcett aurait également inspiré à George Lucas son personnage, Indiana Jones. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.